Ce qui est remarquable et tout de même caractéristique dans cette interview est la recherche des mots de la partie de M. Adler et aussi l'autocorrection. Pour donner le maximum d'infos le plus précis possible, il commence d'ailleurs aussi une phrase, mais ne la termine pas. Il préfère de recommencer une autre et d'abandonner la précédente. Aussi, M. Adler a une vue pragmatique pour le futur et une solution à beaucoup des problèmes émergents. C'est de s'éduquer et de se former. Comme ça, les gens garderont leur valeur sur le marché du travail. Au contraire, les questions du intervieweur sont posées de manière très structurée et préparée, ce qui ne surprend pas, car c'est lui qui doit guider l'interview. L'interviewé a la tâche de répondre librement aux questions préparées de l'intervieweur. L'intervieweur se réserve le droit d'interrompre l'interviewé pour guider la discussion dans une certaine direction, ou de reprendre ou d'illustrer un certain point dans l'argumentation de l'interviewé.